Lorsque le soir descend sur la ville endormie et que s'éteint le feu de l'astre du matin, une douce fraîcheur m'environne et je crie ma joie et mon bonheur à tous les cieux lointains. Le crépuscule tombe et petit à petit pose un linge de nuit sur les détails médiocres et le ciel s'effiloche en revêtement d'ocre. Et j'y vais disparaître sous l'azur assombri. J'observe sous le pont une fine lumière, une barre dorée et tremblante qui fuit. C'est le reflet dans l'eau d'un humble réverbère. Et c'est de l'or pour moi qui rêve dans la nuit. Lorsque le soir éteint les ardeurs de la terre, qu'on ne respire plus que le parfum de l'eau, j'aime me promener sur les quais solitaires pour voir mourir le jour auprès des vieux bateaux. Auprès des vieux bateaux.